Bonsoir, bonsoir, bien-aimés frères et sœurs dans le monde entier. Bienvenue à cette quatrième partie de l'enseignement, sondage de médecine consacré à l'individu Kako Philippe et son réseau. Bienvenue encore, comme je le disais, à ce démantèlement de réseaux de faux prophètes consacrés de notre époque, et particulièrement le plus virulent, celui qui dit qu'on brûle les écritures de notre Père. Merci pour tous ceux qui nous écoutent, merci pour tous ceux qui réagissent, merci pour les kakouis également qui réagissent sur les enseignements sur Bamba Eba. Au moins vous aurez écouté, même si vous dites n'importe quoi, même si vous collez n'importe quoi, vous aurez quand même écouté. Que la grâce qui a été accordée à tous ceux qui ont les oreilles pour entendre vous en soit accordée. Si vous avez les oreilles, vous allez entendre de toutes les façons. Nous allons continuer aujourd'hui avec une autre partie consacrée toujours au démantèlement des réseaux de ces mafieux. Mais avant, écoutons cette petite musique, je reviens tous après. Seigneur, tu es grand. Tu es tout-puissant. Tu nous offres tous en éducation. En bénissant tout ce que c'est mis devant toi, pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur. Sur la chaîne Bamba Iba, bienvenue, bienvenue, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Alors que vous dégustez cette chanson, commençons cet enseignement par le livre de Jérémie, et je vais vous laisser écouter la fin de cette chanson tout à l'heure. Commençons par le livre de Jérémie au chapitre 23, Jérémie chapitre 23. Jérémy, n'oubliez jamais que vous pouvez nous contacter sur Skype à Junior3, J-U-N-H-I-O-R-S, avec le chiffre 3. Vous pouvez également envoyer les questions, les commentaires sur Junior, J-U-N-H-I-O-R-S, J-U-N-H-I-O-R-S, @yahoo.fr. Le contact téléphonique également est à votre disposition, le 6-94-01-94-40. Le 6-94-01-94-40, le 6-75-87-41-21, 6-75-87-41-21, sans oublier l'indicatif du Cameroun, le 237. Nous sommes à Douala au Cameroun, et je suis à votre disposition, je suis votre serviteur. Jérémie chapitre 23, les versets 16 disent, et les versets 16 et suivants disent, « Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. » Verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parler et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Verset 25. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant: J'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Verset 27. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? Pourquoi mêler la paille au froment? Dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Dit l'Éternel. Et comme un marteau qui brise le roc? Amen. Amen. Verset 30. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur parole, leur propre parole, et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui racontent et qui égarent, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Voilà. Bienvenue encore, bien-aimés, bienvenue et salutations particulières à toutes nos familles dans le monde entier, tous ces chrétiens-là qui passent par des difficultés, toutes ces personnes qui désirent la présence de Dieu. Je prie particulièrement pour ceux qui m'écoutent maintenant et qui se battent avec contre des péchés de leur vie, dans leur vie, et qui souhaiteraient vivre la sainteté à outrance, vivre la sainteté du Seigneur Jésus-Christ, mais qui trouvent toujours dans leur vie comme ça quelques couacs quelques filets de diable, quelques pièges de l'ennemi posés à leur encontre. Je prie particulièrement pour toi, mon frère, toi, ma soeur qui vit cette situation. Je prie que Dieu exauce les désirs de ton cœur, qui te donne de vivre d'après sa sainteté. Je prie qu'il t'accorde sa sainteté à lui. Lui seul peut le faire, qui te donne la victoire sur le péché, au nom puissant, merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur quoi le thème, la série consacrée à Kakou Philippe. Rappelez-vous que nous allons revenir également sur l'islam, parce que pour l'islam c'est beaucoup. Le Seigneur a mis une pause pour que nous nous consacrions assez à cet autre homme-ci, pour cesser ses velléités et en faire sortir ses enfants qui sont là-bas. Maintenant, nous allons continuer aujourd'hui avec toujours le sujet le concernant. Laissons-le bavarder quelque chose et commentons derrière. On y parle de Paul, et c'est Paul, c'est par mandat, en vertu de ce que Paul a écrit les apôtres et les épîtres, et ainsi de suite. C'est comme ça, ok. On va revenir un peu à votre commentaire. Aujourd'hui, vous avez suivi aussi par la violence de leurs commentaires, les attaques sur les réseaux sociaux, où souvent on voit certains qui s'arrêtent en bordure de route qui mènent à certaines églises pour crier et aller jusqu'à agresser verbalement certains adeptes d'église. Est-ce que c'est vous qui vous demandez cela? Bien sûr que je ne vais pas recommander dire à quelqu'un d'agresser quelqu'un, mais quand vous dites aussi que mon fidèle a agressé quelqu'un, c'est à vérifier, parce que mes fidèles ne sont pas violents. Vous voyez, Donc vous voyez effectivement dans Matthieu chapitre 12, le verset 33, la Bible dit l'arbre est bon et son fruit est bon, ou que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Donc, soit tu es un bon arbre et tu produis un bon fruit, ou bien tu es un mauvais arbre et tu produis un mauvais fruit. Il a dit, il sait effectivement que les choses qu'on dit est vraies, et on voit effectivement le commentaire de ces gens-ci sur YouTube et dans tous les réseaux sociaux, comment ils sont virulents, ils sont violents. Ils font une vision violente, ce n'est pas parce qu'on les a attaqués, c'est tout simplement parce qu'ils sont possédés par des démons kakouistes. Ils ont l'esprit du kakou sur eux, ce n'est pas le Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont sur eux. Parce que l'esprit du Seigneur Jésus-Christ dans Galates chapitre 5 est défini comme un esprit qui est doux, paisible, conciliant, qui a de la longanimité, qui est amour. Ça ne vocifère pas les mensonges. Parce que ce qui sort de la bouche, on sait exactement de quelle source cela sort. C'est la violence, c'est la rébellion. Ce sont des gens qui sont emprisonnés dans des ténèbres qui essaient de s'en sortir à l'intérieur. Donc ce sont les démons qui ont incorporé le corps des kakouistes. Voilà pourquoi ils vocifèrent comme ça. Écoutez la défense de leurs grands démons. Est-ce que vous avez vu cela? Est-ce que vous avez vu des agressions? Ou bien il y a eu des agressions verbales à votre endroit? Est-ce qu'il y a eu ça? Moi personnellement, oui. Oui, moi particulièrement, oui. J'en connais beaucoup. Et très souvent, ils font voir des photos d'hommes de Dieu, comme de prostituées, démoniaques. Il y a une femme de Dieu aussi qui, quand elle a su que Dieu, par exemple, elle a des photos, ils vont mettre chez ta mère. En fait, c'est des choses en fait, pour agresser verbalement ou de manière pour discréditer ces personnes. Non. Je ne pense pas que ça soit pour discréditer. Je pense que certainement qu'ils ont eu des échanges et puis par la suite, je ne sais pas comment les échanges ont évolué. Sinon, mes fidèles ne sont pas agressifs. Dans votre vie. Sur ce point, je crois qu'on peut en dire plus que c'est le témoignage de ce que nous vivons dans le monde entier en rend témoignage clairement de ce qui est cet homme. Il ne reconnaît pas ses fidèles comme étant des agressifs, mais tout le monde entier, tous ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ et qui croient au message du Seigneur Jésus-Christ, voient véritablement dans tout le monde entier où ces poisons kakouïs se sont répandus. Nous voyons effectivement que les gens ont le même principe, insulter, vociférer, traiter les gens de démoniaques, des rats, des palmistes, des porcs, ainsi des chats, ainsi de suite. Ils ne savent même pas ce quel esprit les anime. Donc nous allons passer à une autre interview maintenant sur l'histoire de sa vie et nous allons voir comment l'histoire de sa vie s'est passée et selon lui, en fait avec cela il veut être authentifié du fait qu'il soit prophète. Écoutons-le tranquillement dans cette interview, l'interview numéro 7, vous pouvez trouver ça sur YouTube, qui parle de l'histoire de sa vie. Suivons Kakou Philippe. Pour être des protestants évangéliques et vernamistes aujourd'hui, vous voyez, Dieu m'a donné une vie depuis l'enfance. Une vie irréprochable. Même ceux qui ne croient pas dans mon village me reconnaissent cela. Dans mon village, une fille ne peut pas dire que je l'ai cherchée, même que c'est elle qui a refusé. Dieu m'a accordé une vie correcte et je lui dis merci pour cela. Et que l'humanité sache que comme au temps de Noé, Kakou Philippe a été envoyé pour ce temps. La Bible ne peut pas sauver. Jésus de Nazareth, c'était pour un temps. Et Jésus de Nazareth a eu 12 apôtres. Si vous êtes apôtre, vous devez être apôtre d'un prophète messager. Comme Esaïe a eu ses apôtres. Baruch, fils de Neriah, était apôtre de Jérémie. Vous voyez l'imposture et le mensonge. Que vous devez être, vous ne pas, on ne doit pas être apôtre du Seigneur Jésus-Christ, on doit être apôtre. Que Esaïe ait ses prophètes, ainsi de suite. Il va parler maintenant que Baruch, celui qui était, dont Jérémie dictait et l'écrivait, était apôtre de Jérémie. Vous voyez effectivement comment on peut tordre les Écritures. Personne dans la Bible n'a été apôtre d'un autre. Parce que c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui destine chacun à son tâche, à ses tâches. Lorsque nous allons toucher le cas de Timothée, on revient par rapport à la sainteté de sa vie et sa vie docile, sans péché, pour voir cela avec l'image chrétienne. Et Tite, Sylvain, Timothée, tout cela était apôtre de Paul qui est venu après Jésus-Christ. Vous avez entendu le mensonge? Vous avez entendu le mensonge? Lisons la première rencontre de l'apôtre Paul avec Timothée dans Acte chapitre 16. Acte chapitre 16, lorsqu'il le rencontre. Dans Acte chapitre 16, à partir du verset 1, la Bible déclare, il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et de Icône rendaient de lui un bon témoignage. Verset 3, Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. Donc le père de Timothée était un grec et sa mère était une juive. La Bible déclare que la première fois que l'apôtre Paul l'a rencontré, il était déjà disciple. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui l'a consacré ou quoi que ce soit. Non. Dans le livre de 1 Timothée et 2 Timothée, ce que l'apôtre Paul dit de lui par rapport au don qu'il a reçu, ce n'est pas comme ça. Donc, nous allons y revenir. Que ce soit le cas de Timothée, vous pouvez prenez doucement 1 Timothée chapitre 1, où il parle de son ensemble, enfin, c'est le langage que Timothée, l'apôtre Paul utilise chaque fois. Dans 1 Timothée chapitre 1, lisons cela. 1 Timothée chapitre 1. Avant d'y revenir par rapport à la sainteté de sa vie. 1 Timothée chapitre 1, le verset 18. Premier épître de Timothée chapitre 1, verset 18 dit, le commandement que je t'adresse, d'adresse Timothée, mon enfant. Timothée, c'est-à-dire que Timothée en grec, ça veut dire celui qui honore Dieu, honorant Dieu. Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Il appelle ici Timothée son enfant. Dans le chapitre 2, si on va dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 2, il dit, enfin, verset 1 et 2, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Or, nous venons de lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, que à la première rencontre, Timothée était déjà disciple du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on a dit qu'on a rencontré un disciple. C'est ce qu'on a lu là-bas. On a lu, il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive et fidèle et d'un père grec. Donc Timothée est déjà un disciple. Mais l'apôtre Paul l'appelle ici dans 1 Timothée, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Son enfant légitime en la foi. Lisons également 2 Timothée chapitre 1, verset 2. 2 Timothée chapitre 1, verset 2. 2 Timothée chapitre 1, verset 2. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 4? 1 Corinthiens chapitre 4. Donc vous voyez effectivement, il est en train de dire, ce garçon de Kakoufi, il est en train de dire que Timothée, Sylvain et autres étaient des apôtres du frère Paul, de l'apôtre Paul. Donc il veut effectivement prendre comme ça ces syllogismes pour mettre celui pour dire il est le prophète du messager maintenant. C'est pour ça qu'il a ses apôtres, pas d'autres, et ses prophètes, comme ils disent les Éphésiens 4, 11. Vous n'avez aucun Éphésiens 4, 11, ça ne vous concerne pas parce que vous n'appartenez pas à Jésus-Christ. Jésus-Christ a son fondement à lui. Il a son fondement, lui. Éphésiens chapitre quoi? 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Le verset 17 dit, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est ma manière la manière dont j'enseigne partout dans les églises. Donc Timothée était un compagnon, comme il le dit dans plusieurs autres passages. 1 Corinthiens chapitre 1. Remarquons dans 1 Corinthiens chapitre 1. Prenons chapitre 1 ici. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Regardez bien. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, Donc, les enseignements qui sont donnés ici, les destinataires, ceux qui ont écrit, c'est Paul et Sosthène. Et dans 2 Corinthiens chapitre 1, en 2 Corinthiens chapitre 1, vous pouvez prendre ça partout, ça se trouve partout dans les introductions des livres là. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, il va dire Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Donc, quand il est en train d'écrire le même enseignement, parce qu'il dit que Paul, apôtre de Jésus-Christ et le frère Timothée a. Donc, ce sont eux les écrivains de cette lettre ici, ce n'est pas l'apôtre Paul seul. Timothée est d'accord, Sosthène est d'accord. Dans le livre de Tite, chapitre 1, verset 4, 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 23, où il y a Sylvain, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 19, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 2. Mais alors, dans 1 Thessaloniciens, que le Seigneur vous bénisse abondamment. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 1. Qu'est-ce que ça dit? Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ, le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Donc, il y a trois auteurs pour cette épître-ci. Paul et Sylvain et Timothée. Donc, vous voyez effectivement qu'ici, au verset 3, il va dire que notre évangile, il dit notre parce qu'il s'agit de trois personnes qui sont en train d'écrire. Verset 2 dit, nous rendons continuellement grâce. Il ne dit pas nous pour lui, il dit nous pour lui, Paul, Sylvain et Timothée. Vous voyez, verset 6, il dit, au verset 6 du chapitre 2, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtre. Apôtre là-bas est avec S. Donc, Sylvain est un apôtre, Timothée est un apôtre, Paul est un apôtre. Voici ce qui est écrit ici dans le verset 6 du chapitre 2. Il dit que nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Donc, l'apôtre Paul, Timothée et Sylvain sont des apôtres. Le verset 6 nous dit clairement que Paul est un apôtre, Sylvain est un apôtre, Timothée est un apôtre. Nous aurons pu nous produire comme apôtres de Christ. Donc, je m'en tiens là, par exemple, pour dire que Timothée n'a jamais été apôtre de Paul. Il est dit ici que nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtre de Christ. Il n'a pas dit que Timothée et Sylvain auraient dû se produire comme apôtre de Paul. Il n'y a nulle part apôtre d'un être humain dans la Bible ici. Il n'est nulle part apôtre et prophète d'un être humain ici. Les seuls prophètes qui sont les prophètes d'autres personnes, c'est les prophètes de Baal, comme le cas de Kakou Philippe. Tous les autres sont des serviteurs de Dieu. Tous les autres sont des serviteurs de Dieu vivant. Donc ce n'est pas un apôtre, prophète ou bien messager quelqu'un qui établit ses propres apôtres. Non. Que non. Donc vous devez savoir que le salut, c'est par un prophète messager en une génération. Impossible. Donc, vous avez entendu. Il dit que on doit savoir que le salut est par un prophète messager et en une génération. En clair, ceux à qui l'apôtre Paul a prêché, qui ont le salut, c'est l'apôtre Paul, c'est comme ça qu'ils vont entrer par là-bas. Maintenant, il veut qu'on lise la Bible pour voir quelques passages dans la Bible. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 3. Restons dans Actes des Apôtres doucement. Actes des Apôtres. Il dit que le salut, c'est en un, dans un prophète messager, en une génération. C'est qu'il y a des messages que celui-ci est venu. Je crois qu'il lui faut la délivrance. Actes, chapitre 3, verset 12 à 24. Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 12 à 24. Vous vous souvenez quand ces paralytiques-là, qui avaient près de 40, avaient été guéris par l'apôtre Pierre, subitement la foule s'est accomplie là. Maintenant, disons à partir du verset 12 jusqu'au verset 24, suivons minutieusement et attentivement. La Bible déclare, nous sommes dans Acte des Apôtres, chapitre 3, nous allons lire les versets 12 à 24, bien aimés dans le monde entier. Et salue particulièrement les femmes qui s'occupent bien de leurs maris, qui lui sont obéissantes. Que Dieu les bénisse abondamment, ainsi que leurs maisons. Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 12 dit: Pierre, voyant cela, dites au peuple, homme Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné, écoutez très attentivement, vous avez régné le Saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Le Seigneur Jésus est appelé Saint, juste, prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Souvenez-vous, je vais m'arrêter au verset 24. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Vous vous souvenez, dans les trois premières vidéos, nous avons parlé de le fait que quand Philippe parle de, et ses disciples parlent, disent que Dieu n'envoie pas un messager sur la terre, et ils disent la même chose avec les prophètes. Voici encore ça qui est confirmé ici. La Bible déclare verset 18, « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. » Donc tous ses prophètes ont annoncé ces jours, et je vous ai dit ça dans toutes les vidéos, que tous les prophètes et tous les prophéties de la Bible conduisaient à Christ Jésus. Donc, les prophètes venaient comme ça prophétiser, construisaient le puzzle qui devait construire la parfaite image en Christ Jésus. Verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Vous voyez, l'apôtre Pierre ne prêche pas lui-même, bien qu'il ait les clés telles que nous avons vues dans la précédente vidéo. Il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, pas Kakou Philippe. Qu'il envoie celui, remarquez très bien, l'apôtre Paul Pierre en est de prêcher, alors que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, comme il a dit ici en haut, il est assis à la droite de la majesté divine. Mais l'apôtre Pierre en est de dire que le Seigneur Jésus-Christ est censé encore venir pour les Juifs. Il dit que, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc même la restauration du peuple juif, les prophètes en ont parlé. Donc les prophéties concernant les juifs sont ainsi contenues aussi dans le livre de Jérémie. Nous pouvons voir dans Jérémie chapitre 30, 31 et 32 comment Dieu a dit son amour pour Israël ne changera pas, il ne sera pas effacé ce peuple-là au-devant de lui. Verset suivant dit, souvenez-vous, je vais lire jusqu'au verset 24. Verset 21 dit, verset 22 dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Donc Moïse avait prophétisé que le Seigneur Jésus-Christ viendrait pour parler, suscité par Dieu, pour pouvoir prêcher au peuple. Et quiconque ne doit pas l'écouter sera exterminé. Il n'a pas dit quiconque n'écoutera pas un autre peuple, parce que toutes les aiguilles spirituelles célestes indiquaient le Seigneur Jésus. Verset 4, verset 24 maintenant. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là, au pluriel, ces jours-là. Verset 24, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Donc, nous voyons effectivement la supercherie de Kakou Philippe qui vise à s'ériger au rang des sauveurs, au titre du Seigneur Jésus-Christ, et en disant qu'il est le salut, il est le sauveur pour le temps, pour notre génération, et le vrai problème, c'est qu'il essaie de construire sa doctrine en disant que chaque messager qui vient, il est le sauveur de l'humanité. Nous avons passé le temps, depuis la première vidéo, à montrer que cela n'est pas vrai, ça n'a jamais été vrai, ça ne sera jamais vrai. Ça ne peut pas commencer avec toi aujourd'hui. Tu ne peux pas berner les gens, tu peux rendre les aveugles et tous ceux qui ont la sensation de manger la friandise qui sent de la putréfaction génique. C'est ça que tu peux déclarer telle chose. Mais pour les enfants du Seigneur, Jésus a dit que personne ne les arracherait de ses mains. Maintenant, suivons encore ce qu'il va dire. C'est le prophète Philippe. Et vous devez comprendre cela. Donc, je répète que le salut ne peut pas venir de l'école pastorale. Le salut ne peut pas venir d'une Bible. Il n'y a pas de Bible dans le ciel. Dans le ciel, chaque prophète a son livre. Jérémie a son livre. Lisons psaume 119, il dit qu'il n'y a pas de Bible dans le ciel. Souvenez-vous, Bible, ça veut dire Biblia. Le psaume 119, vous y êtes, mes bien-aimés. Verset 89 dit, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Il n'est pas question de prédication dans les cieux, parce que on ne prêche pas au ciel. Il n'y a pas de problème de péché au ciel, ni de rédemption au ciel, c'est sur la terre que ça se trouve. La Bible déclare ici qu'à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Dans les cieux et sur la terre, c'est la parole. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 50, Ésaïe là, qu'il envoie sa parole court avec vitesse. Dans le livre d'Isaïe, dans le livre des Jean que nous avons lu dans le prochain chapitre, nous avons vu effectivement que un agneau, enfin, un ange se tenait là-bas, un pied sur la terre, un pied sur la mer, et il tenait dans ses mains un livre. Nous voyons effectivement que dans le ciel, il y a des livres qui furent ouverts et un autre livre qui est le livre de vie, pas le livre de Kakou Philippe. Ce n'est pas le cassé qui va être lu au ciel. C'est une série de prédications, comme il le dit, enfuies des différentes contradictions, comme des autres livres humains et inspirés par des démons. Donc, qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit que le salut ne peut pas venir de la Bible. Lisons quelques paroles des Écritures. Lisons quelques paroles des Écritures. Lisons le livre d'Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Qu'est-ce que ça dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3 et suivant? Éphésiens chapitre 1. Permettez-moi de trouver rapidement. Je crois qu'on va aller rapidement au verset 11 et suivant. Éphésiens chapitre 1. Ben, prenons à partir du verset 3. Verset 3, qu'est-ce que la Bible déclare? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant de lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Il n'est pas dit que c'est selon un messager. C'est par Jésus-Christ que tous doivent entrer. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé, lui est mis pour le Seigneur Jésus-Christ, pas un autre messager. En lui, nous avons la rédemption par son sang, c'est en lui, en Jésus-Christ. Il n'y a pas deux façons d'être sauvé, c'est par le sang du Seigneur Jésus. En lui, et le sang-là n'est pas versé aujourd'hui, le sang a été versé il y a 2015 ans. Et le jour où il a versé ce sang-là, il a fait entrer tout cela. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu avait formé un dessein, un plan, il avait un but en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc le plan de Dieu, c'est réunir toutes choses en Christ. Il n'y a pas question d'un messager quelconque là-bas. C'est pour ça que nous venons lire dans le verset précédent, dans ce acte chapitre 3, le verset 24, que tous les prophètes qui ont prophétisé ont successivement annoncé ces jours-là. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. C'est ceux qui ont espéré en Christ, ceux qui ont cru en Christ et ceux qui sont en Christ qui sont de ce groupe-là. Verset 13. En lui, vous aussi. Donc l'apôtre Paul est en train de raconter leur histoire. Maintenant, il est en train de dire comme ça aux païens, aux Éphésiens et les autres païens par ricochet. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Vous avez entendu? La parole de la vérité. L'évangile de votre salut. Après avoir entendu cela, en lui, virgule, vous avez cru. Donc, il faut que ça soit annoncé. C'est la parole de l'évangile telle que c'est écrit ici. Il n'est pas dit que c'est le livre qui sauve. Non. C'est la parole de cet évangile qui sauve. La Bible déclare l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire ici, mais je vais seulement démanteler le réseau cacoïste. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et cette force donc là, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent. Quand l'apôtre Paul écrit dans le siècle présent, c'est en son époque, mais encore dans le siècle à venir. Donc, La mission du Seigneur Jésus-Christ transcende les temps, les circonstances et les époques. Kakou Philippe. Donc fais attention. Il n'est pas question qu'on soit sauvé par un messager de l'époque. Ici, la Bible déclare que, afin que, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans le verset 21, la partie C dit, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de tous les siècles. Il est le Rédempteur pendant toutes les périodes des siècles, tant que les enfants pour lesquels il est mort à la croix vont subsister sur la terre jusqu'à ce que, comme l'apôtre Paul a dit dans le chapitre 2, le verset 38 et suivant, que aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tant que le dernier appelé va entrer, tant qu'il n'entrera pas, le salut devient toujours ouvert jusqu'à ce qu'il entre. Et tous viendront. Parce que le Seigneur Jésus a promis dans Jean chapitre 10 qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie-là. Celles-là, il faut qu'il les amène. Ce n'est pas par ta voix qu'il va amener. Non. Tu n'es même pas d'abord un de la bergerie. Tu es un loup ravisseur qui veut ravir les gens de la bergerie. Lisons le livre de Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Puis on va rentrer dans Actes des Apôtres. Dans Jacques chapitre 1, verset 21 dit... C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Tu dis que le salut ne vient pas de la Bible. On n'a pas dit que le salut vient de la Bible. Le salut vient de l'évangile qui est prêché dans la Bible. On appelle donc ça la parole de vérité. C'est par la parole de vérité que les gens sont régénérés. Et cette parole de vérité se contenue dans la Bible. Lisons maintenant Actes des Apôtres pour voir le premier messager. Chaque fois donc, puisque tu te riges en messager, c'est ta parole contre la sienne que nous allons voir ce que ce messager-là a fait lorsqu'il finissait de prêcher. Prenons Actes des Apôtres au chapitre 20. Qu'est-ce qu'il a dit aux Éphésiens et aux anciens qui se trouvaient là-bas? Actes chapitre 20, lorsqu'il quittait la scène, Actes chapitre 20, qu'est-ce qu'il va dire? Écoutez très attentivement. Actes chapitre 20, regardez, verset 31 et 32. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Verset 32, quand l'apôtre Paul quittait la scène, regardez ce qu'il suivait attentivement, ce qu'il dit, un messager, le premier messager. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut vous édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Donc l'apôtre Paul recommandait les disciples, les anciens à la parole de sa grâce, à Dieu et à la parole de sa grâce. Parce que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Donc Dieu n'a pas dit que... Il faut que vous restez par derrière, vous croyez que je suis toujours le messager. Si vous ne croyez pas en ce que je suis le messager de cette époque-ci, vous êtes fini pour toujours. Vous allez aller fuir en enfer. Vous allez aller brûler en enfer. L'enfer que vous ne connaissez même pas. Que Dieu vous pardonne. Continuons ici. Et à son groupe. Esaïe à son livre et à son groupe. Même depuis Noé, chaque prophète à son livre et à son groupe. Vous voyez le mensonge, démantelons également ce mensonge en allant dans le livre d'Isaïe pour voir le résumé. Je crois que dans l'autre enseignement, nous devons démanteler également ces fausses interprétations en citant Jérémie chapitre 3, Jérémie chapitre 7 et Jérémie chapitre 6, où nous avons vu effectivement que Dieu a dit dans le livre du prophète Jérémie qu'il n'était pas question que les Juifs écoutent Jérémie pour être sauvés. C'est pas pour cela. C'est parce que les Juifs avaient quitté le plateau. Ils avaient quitté le plan et l'alliance que Dieu leur avait donnée. Et Dieu a demandé à Esaïe de prêcher que s'ils revenaient à la voix de leur père, l'alliance qu'il avait donnée, alors il va les maintenir dans ce pays. Mais s'il ne le fait pas, il va faire venir du nord du septentrion un roi, le roi, le marteau de l'enclume, pour pouvoir les terrasser. Maintenant, dans le cadre du prophète Esaïe, il dit ici que Esaïe avait ses propres disciples, il avait son message à son époque. Lisons maintenant ce que le prophète Esaïe, lui, va dire. Quel est le contenu du message du prophète Esaïe? Prenons Esaïe chapitre 56 et lisons cela. Lisons. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir. Vous voyez, Esaïe n'a pas dit qu'il est le salut, Esaïe n'a pas dit que c'est alors suivant qu'il aura le salut. Esaïe, et nous venons de lire dans Actes chapitre 3, le verset 24, que tous les prophètes ont suffisamment parlé de ces jours-là. L'apôtre Paul m'a dit dans 1 Corinthiens là que voici maintenant le jour du salut, voici maintenant le temps de la grâce. Parce qu'il est écrit donc au temps de la grâce, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais exaucé. Et l'apôtre Paul conclut en disant que voici maintenant le temps de la grâce, voici maintenant le salut. Parce que ces choses étaient prophétiques. Esaïe, donc, dans son message, dit ici, ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Dieu ne dit pas d'Esaïe au peuple que croyez à Esaïe. Croyez à Esaïe, vous serez sauvés. Non, il n'est nulle part dit comme ça. Esaïe annonce plutôt quelqu'un qui s'appelle le salut. Ici, il dit, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela. et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne pas le profaner. Nous sommes à 800 ans avant le Seigneur Jésus-Christ ici, et Ésaïe parle encore de sabbat. Quand est-ce que le sabbat a été donné? Dans Exode sous Moïse. Donc nous voyons effectivement que, comme j'ai dit dans plusieurs des enseignements, que les apôtres, enfin les prophètes d'antan, les serviteurs, les saints prophètes du Seigneur Dieu du ciel, venaient prêcher et réitérer ce que Dieu leur avait déjà donné par par le prophète Moïse. Chaque fois quand les Juifs vont quitter cette alliance-là, ils vont aller ça et là, en glissant les pieds à gauche, à droite, en servant sur tout table vert, en servant des dieux qui ne sont pas le Dieu selon leur nature, il va envoyer les prophètes pour les faire revenir à la voie. C'est ce que nous avons vu. Il a dit à Israël, sous Esaïe, quoi, sous Jérémie, il a dit que reconnaissez seulement que tu as entraîné tes pas ça et là vers les idoles. C'est ce qu'il a dit. Il a dit revenez, réformez vos voies, réformez vos cœurs, afin qu'ils vous les dansent beau et pays que j'ai donné à vos pères. Donc, il s'agit de la réforme des voies, de revenir à la voie initiale. Il ne s'agit pas d'écouter le prophète d'une génération pour être sauvé ou quoi que ce soit. Il ne dit rien de tel dans la Bible. Il dit, verset 2 encore de Esaïe 56, il dit, heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne pas le profaner, et veillant sur sa main pour ne pas commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats. Vous voyez, ici il parle de sabbat au pluriel. Or, lisez Lévitique chapitre 25 et autres, vous allez remarquer que Dieu a destiné les différents styles de sabbat. Ce n'est pas Esaïe qui en a prescrit une chose nouvelle, ce sont des choses que Dieu a déjà données par Moïse. Et chaque fois donc, que les gens vont quitter cela, ils vont violer et Dieu va y venir. C'est pour ça que vous allez voir que chaque fois, sous Josias, sur le roi Asa, les choses vont être réformées quand les gens, les rats, les sacrificateurs Joachim et autres là vont égarer la loi. Plus tard, quand ils vont venir, ils vont lire le livre de la loi, ils vont faire la réforme et Ézéchias va célébrer la Pâque au temps de l'Éternel, au temps marqué tel que l'Écriture le disait. Ils vont venir chaque fois célébrer comme c'est souvent. C'est ainsi qu'ils ont vécu jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne, parce qu'en réalité, Jean chapitre 1 verset 17 dit, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la loi devrait maintenir les Juifs jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne, qui est le ministère de la foi, le moment de la foi. Donc il n'est pas question que chaque prophète vienne en milieu, Noé, Moïse, celui-ci, chacun donne sa part pour qu'on croit en lui pour être sauvé. Donc aucun prophète n'est sauveur. Aucun prophète n'est sauveur. Aucun prophète n'est rédempteur. Un seul est sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, verset 4 dit encore, c'est ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Vous voyez, quelle alliance? L'alliance qui a été contractée à Horeb. Dans Deutéronome 28, nous voyons effectivement où il donne une série de malédictions et bénédictions par rapport à ceux qui n'observeront pas cette alliance. Parce qu'ils ont dit cela, maudit soit quiconque ne respecte pas les paroles de cette alliance. Et c'est pour ça que Dieu a dit qu'il y a une autre alliance qui va venir. Une alliance, pas comme l'alliance qu'il va traiter avec ses pères ou à Horeb, où ils ont désobéi. Donc, Dieu dit ici là que dans Esaïe le prophète, avec son livre, il a parlé de ceux qui vont choisir de faire ce qui est agréable et qui vont persévérer dans son alliance, l'alliance qu'il a donnée au Père. Et souvenez-vous, dans Malachie chapitre 4, il dit au sortir que souvenez-vous de la loi de Moïse qui est prescrite à Horeb pour tout Israël. Donc, 400 ans avant la venue de Jean-Baptiste, Dieu réitère encore l'alliance qu'il avait prophétisée, qu'il avait donnée à Moïse, parce que ça devait subsister jusqu'à ce que Jean-Baptiste vienne pour annoncer maintenant que donc voici finalement l'agneau dont Moïse parlait là-bas. Amen. Les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est le temps de Jésus-Christ. C'est leur livre. Paul a ses épîtres. Paul a son groupe, a ses apôtres, a ses disciples. Vous avez entendu, il dit Paul a son groupe, Paul a ses disciples. Paul, il dit que l'évangile Matthieu, Marc, Luc, c'est pour Jésus-Christ. Et nous voyons effectivement que tous les vies, les Bibles, c'est là où vous voyez effectivement que quelqu'un se fait naufrage, il continue à boire, son ventre gonfle au lieu de crier au secours. Nous voyons ici, l'apôtre Paul, lui, il dit ce n'est pas l'évangile de Paul, ce n'est pas son message à lui qui prêche. Il a dit dans Galates chapitre 1 que l'évangile que vous avez annoncé n'est pas de moi, car je n'ai ni reçu d'un homme, ni d'appui d'une école théologique. Il dit mais ce n'est pas la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, dans 1 Corinthiens chapitre 11, il va dire j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé, que la nuit où il fut crucifié, le Seigneur Jésus-Christ prit du pain. Donc après avoir fait cela avec ses disciples, la scène, la veille de sa crucifixion, le Seigneur Jésus-Christ va dire la même chose à Paul longtemps après, dans la puissance de la résurrection. Il va se présenter à Patmos pour donner la révélation à l'apôtre Jean. Donc tous les livres sont de l'inspiration du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul va dire dans cet acte chapitre 20, le verset 35, en disant que car le Seigneur lui-même a dit qu'il est, qu'il est plus utile, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Or, vous ne verrez nulle part où l'apôtre, où Dieu a dit ça dans les évangiles. Donc, il a dit forcément à l'apôtre Paul plus tard. Lisons acte des apôtres. Acte des apôtres. Donc, comme tu dis que ça, l'évangile c'est pour l'apôtre Paul et l'autre c'est pour Jésus-Christ, l'autre c'est pour Jésus, comme c'était Jésus-Christ qui avait écrit le livre. L'apôtre Paul qui a pris sa plume pour écrire, Jésus qui a pris la plume pour écrire une Bible quelque part. Acte des apôtres, chapitre 22. Chapitre 22. Regardez bien. Maintenant, prenons chapitre 22, le verset par rapport à l'appel de l'apôtre Paul, raconté encore une fois de plus. Au verset 10 et suivant. Regardez très bien. Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Ça, c'est à Jésus là. C'est le Jésus qui parle comme ça à l'apôtre messager. Donc, on est censé l'instruire. Verset suivant. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi, me prirent par la main, et j'arrivais à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas, rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, écoutez très attentivement, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste. Donc l'apôtre Paul a vu le juste, il a vu Jésus. Souvenez-vous, on a lu Actes chapitre 3, où la Bible déclare l'apôtre Pierre a dit que vous avez tué le saint, vous avez tué le juste, vous avez régné le prince de la vie. Donc, le juste, c'est Jésus. Donc, l'apôtre Paul a vu le juste. Il dit, et entendre les paroles de sa bouche. Mais plus par la suite, il dit, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant que t'as de tu lèves, toi, sois baptisé. Et la vie de tes péchés en évoquant le nom du Seigneur. Donc nous voyons effectivement que le baptême de Paul, enfin, de toute façon, on en a parlé dans la vidéo précédente. Mais nous voyons effectivement comment le Seigneur Jésus-Christ lui a entendu dit ici par la bouche du prophète Ananias qu'il est censé, c'est la mission concernant Paul. Et la mission de Paul est pour tous les hommes et il va écrire les commandements pour tous les hommes. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 13, il va dire que si quelqu'un reconnaît, croit qu'il est prophète comme Kakou Philippe, qu'il reconnaît que ce qui vient d'écrire est un commandement du Seigneur. Et le commandement du Seigneur transcende les époques, transcende le temps et est destiné pour tous ceux pour qui Dieu a entendu parler et qui doit lui obéir. Amen. Et si vous êtes disciple, vous devez être disciple du prophète de votre temps. Jésus a eu 70 disciples et parmi ces disciples, il n'y a aucun Européen, aucun Américain, aucun Africain. Voilà, maintenant, il dit que Jésus-Christ a eu des disciples. Il n'y a eu aucun des disciples européens, aucun de celui-ci, aucun de cela. Maintenant, nous avons pêle-mêle ici, dans la Bible, à chapitre 2, les gens qui étaient disciples du Seigneur Jésus-Christ, venant de l'Afrique même. Il y a des disciples africains qui étaient au milieu des disciples. Nous avons le cas de celui qui a porté sa croix avec ses enfants, Rufus et autres. Nous avons le cas de l'Éunuque éthiopien qui était en Nubie. La Nubie, c'est à 800 km là-bas au sud de l'Euphrate. À 400 km, il a fait près de 4000 km de marche pour aller à Jérusalem. C'est là où Jésus-Christ l'a envoyé. Il a cru, il est devenu disciple du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas devenu disciple de Philippe. Il est devenu disciple du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, il est question des gens qui sont venus du monde entier et qui sont par la suite rentrés pour propager l'évangile. Les gens sont devenus disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas devenus disciples de l'apôtre Paul. À Rome, ils ne sont pas devenus disciples de l'apôtre Paul. Lisons l'Épître aux Romains, chapitre 1. Évangile de Paul aux Romains. Paul, serviteur de Jésus-Christ, chapitre 1, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Vous voyez, donc dans les Saintes Écritures, l'évangile avait été promis. Ah, c'est terrible, c'est marrant. Et qui concerne son fils. Vous voyez, donc l'évangile qui était prévu dans les Saints Apôtres, par les Saints Apôtres dans les Écrits, concernait son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Par lesquels vous êtes aussi, vous qui êtes, vous avez été appelés par Jésus-Christ. Vous voyez, tous sont appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous voyons effectivement ici que les disciples ici étaient les disciples du Seigneur Jésus-Christ, pas les disciples de l'apôtre Paul. Dans Matthieu chapitre 28, Jésus va dire, allez faire de toutes les nations des disciples. Ce sont les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Oui, donc chaque fois, c'est les disciples de Jésus qui donnent cette question. Quand quelqu'un est converti parce qu'il ne croit pas au message, quand il a annoncé le message, il croit au message. C'est le message qu'il croit, le message de la foi en Christ Jésus pour la rédemption de notre âme. C'est ça, pour le rachat de notre âme. C'est ça qu'il croit et ils sont donc incorporés dans le corps. C'est ça dont c'est les questions. L'apôtre Paul a dit, comme nous avons lu dans Éphésiens chapitre 3, enfin, chapitre 1, verset 13 et suivant, verset 11 et suivant, il a dit qu'en lui, vous avez cru, après avoir entendu l'évangile de la vérité, l'évangile de votre salut. Vous voyez? Maintenant, lisons Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, lisons cette fois-ci le verset 18. Nous avons lu le verset 21 aujourd'hui. Lisons le verset 18. La Bible déclare, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Il dit que Jésus-Christ avait 70 disciples. Les 120 qui étaient réunis en haut étaient les disciples de qui? Les 70 disciples, parce que tu parles des 70 disciples qui étaient là-bas dans Luc chapitre 10, qui choisit encore 70 autres disciples et les envoyait deux à deux dans la villa et Bougat où il devait lui-même passer pour annoncer l'évangile. Il ne savait pas seulement de ces 70 disciples, puisque la Bible déclare que la foule, il y avait des foules de disciples. Jérôme d'Arimathée était de ses disciples, Nicodème était de ses disciples, mais en cachette. Il avait plusieurs disciples. Et Nicodème, et comment il s'appelle? Et lisons Jean chapitre 11. Jean le chapitre 11, lorsqu'il y a une résurrection. Jean chapitre 11. Regardez maintenant, regardez très attentivement. La Bible déclare, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblaient et s'adressaient et dit, que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le faisons, nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre village. Nous voyons maintenant que l'apôtre, les Sahédriens vont commencer à parler de ces choses comme ça. Au chapitre 12, ils vont dire que nous gardons les tous croient en lui. Tous vont à lui. Donc, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ pour racheter tout ce qui lui appartient. Ceux qui lui appartiennent sont ses disciples. Nous ne sommes pas les disciples des autres personnes. Il n'est nulle part dit que Timothée est disciple de l'apôtre Paul. Il n'est nulle part dit que Sylvain est disciple de... Il n'est nulle part dit que Sylvain et Marc sont les disciples de l'apôtre Paul, ou bien l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre va écrire son livre par Marc et par Sylvain. Après, il va dire que c'est par Sylvain qui est à mes yeux comme un frère bien-aimé, comme un compagnon, que je vous écris cette lettre-ci. Amen. Donc, il n'est pas question d'être disciple d'un apôtre, ou mieux, il n'est pas question dans la Bible d'un messager qui veut établir les prophètes des Éphésiens. Il n'est nulle part commandé, il n'est nulle part dit que c'est un apôtre prophète qui établit les gens d'Éphésiens 20, parce que tous sont appelés de la même façon. Jésus a eu 12 apôtres, et parmi ces apôtres-là, il n'y a aucun Américain, aucun Européen, aucun Africain. Cela est évident, Kakou Philippe, si tu ne connais pas l'histoire de l'Amérique, c'est un peuple qui est venu des Amérindiens. Ils ont détrôné les gens de leur terre et ils y ont habité. Donc il n'y avait pas des Américains à ce moment-là. Cela est évident, mon cher Kakou Philippe, il n'y a pas le continent européen tel que nous le constatons maintenant. La Bible déclare que le salut vient des Juifs. Il devait annoncer la justice aux nations, mais au préalable, ça devait commencer par Jérusalem. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Actes chapitre 1, si tu ne connais pas cela, c'est écrit ainsi. Quand ils ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, est-ce en ce moment que tu rétablis le royaume d'Israël? Il leur a dit que ce n'est pas à vous de connaître le moment, le temps, le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins, un, à Jérusalem, à Samarie, en Judée, et dans jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là où ça devait aller, aux extrémités de la terre. Dans l'ordre de Dieu, dans le plan qu'il avait formé en lui-même, comme nous avons lu dans Éphésiens chapitre 1, veut dire que Dieu devait venir par Sion. Il devait venir de Sion, parce qu'il a dit dans le livre d'Ésaïe que le libérateur viendra plutôt de là-bas. La loi sortira de Sion et les extrémités de la terre vont être éclairées de sa lumière. C'est comme ça que c'est écrit d'élu. Donc il n'avait pas besoin d'avoir des disciples mâles, des disciples femelles, des disciples ici, des disciples cela, des différents types d'animaux pour ses disciples, des gens de différents continents. Maintenant, nous sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le prophète de Dieu a envoyé en cette génération, c'est le prophète Kakou Philippe. Vous acceptez le prophète Kakou Philippe pour le ciel ou vous rejetez le prophète Kakou Philippe pour votre condamnation? Maintenant, pour ta gouverne, je te rejette avec la plus grande énergie. Je te rejette avec la plus grande énergie. Parce que ces paroles sont des révoltes contre le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes paroles sont une révolte évidente et manifeste contre le Seigneur Jésus-Christ. Contre le Saint Serviteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui est venu et qui a racheté par son sang un peuple acquis pour la gloire de Dieu le Père. Donc je rejette de toute énergie. Et toute personne qui te connaît doit rejeter de toute énergie tes messages du WC. Et l'enfer, Jésus-Christ a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et Jésus-Christ a promis dans Matthieu 23, 34. Il faut faire attention avec les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas tout simplement dit que celui qui vous reçoit me reçoit. C'est parce qu'ils avaient des paroles à aller dire. Il n'a tout simplement dit que vous allez vous présenter en disant que c'est moi qui vous envoie. Il faut qu'on vous croie. Il a dit, allez prêcher. Dans Marc, dans Jean chapitre 17, lisons cela. Lisons Jean chapitre 17. Donc il ne veut pas vous citer n'importe quoi. Il n'a pas tout simplement dit qu'allez parce que vous allez dire que vous êtes serviteur de Dieu, on va vous recevoir. Ils ont une mission, ils ont quelque chose à prêcher. Dans Jean chapitre 17, priant pour ses disciples, qu'est-ce qu'il va dire? Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, écoutez très attentivement, et le monde les hait parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il dit maintenant, verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas, écoute maintenant, Kakoufilou, écoute très attentivement, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc, vous voyez effectivement qu'ici, le Seigneur parle de la communion dans le message, la communion dans la même parole que le Père a donnée, le Seigneur a reçu ses paroles, a prêché. La même parole est censée être prêchée par ses disciples. Et le Seigneur Jésus-Christ dit donc que ceux qui croiront en lui passent par leur parole. Et nous avons vu dans Actes chapitre 15, dans la précédente vidéo, comment l'apôtre Pierre a dit, lorsqu'il s'est tenu là-bas au verset 11, il a dit c'est par la grâce que nous croyons être sauvés de la même manière comme eux. Donc, la même manière comme le salut est entré pour les autres disciples, les apôtres qui ont été appelés, la même manière, eux également, nous sommes sauvés de la même façon. Donc, il ne faut pas prendre les versets bibliques, tu crois que tu vas effrayer les gens avec en disant que jusqu'à dire que ceux qui me reçoivent, qui vous reçoivent, me reçoivent. Ils reçoivent ceux qui viennent à lui. La Bible va même plus loin en disant que si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez même pas chez vous. Donc, enlevez les choses de cacophilie chez vous et jetez totalement. Avancez d'envoyer encore des prophètes. Vous ne pouvez pas me rejeter et prétendre sur Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Et vous devez avoir. Ce n'est pas nous qui te rejetons, c'est Jésus qui te rejette. Les paroles que tu cites te rejettent et te nient. Parce que ce n'est pas la parole qui t'a engendré. Donc il ne faut pas dire des bêtises. C'est toi qui. Si tu t'es enfoui dans les filets du diable, tu dois sortir dans le ventre du grand Léviathan. Tu es allé entrer à l'intérieur et maintenant ce sont ces poisons exécrables que tu en es de vociférer comme ça. Pas des raisons solides pour rejeter le prophète Kakoufilé. Vous devez vous-même chercher à savoir qu'est-ce que le prophète Kakoufilé dit. Vous ne devez pas écouter quelqu'un d'autre, écouter un pasteur. Mais vous devez écouter le prophète Kakoufilé lui-même et avoir vos propres raisons pour rejeter. Je crois que depuis que nous sommes venus dessus, nous avons vu vraiment la raison pour laquelle on te rejette. Et Dieu, et même ton démon qui t'a prévu ces messages-là, saura vraiment que nous avons raison de te rejeter. Parce qu'en rejetant Noé, la génération qui était là-bas rejetait Dieu et le salut. Voilà l'une des choses pour laquelle on te rejette, mais effectivement, parce que la génération n'a jamais rejeté Noé. La génération n'a jamais rejeté Dieu. Dès le départ, ils étaient pervertis. Dieu a pris la résolution, comme nous avons lu, de détruire cette génération. Il n'était pas question qu'ils soient sauvés au travers de Noé. Kakoufilé. En rejetant Jésus-Christ, les pharisiens rejetaient Dieu et le salut. Et aujourd'hui, en rejetant le prophète Kakoufilé, vous rejetez Jésus-Christ et vous rejetez le salut. Madame. Le salut n'a jamais été en Kakoufilé, ni n'a jamais été en un prophète, n'a jamais été en une autre que le Seigneur Jésus-Christ. Continuons notre lecture, notre exploration pour démanteler cette dérive-là dans Actes des Apôtres chapitre 7, maintenant cette fois-ci. Actes des Apôtres chapitre 7, c'est le frère Étienne maintenant qui déploie la connaissance par la puissance du Saint-Esprit. Verset 52, qu'est-ce qu'il va dire? Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Donc tous les prophètes ont annoncé la venue du juste qui est le Seigneur Jésus. Dans chapitre 3, verset 24, nous avons vu effectivement que tous les prophètes ont justement parlé de lui. Et l'apôtre Pierre nous a dit clairement que les juifs et leurs chefs ont fait rejeter le juif et le saint et ils ont rejeté le prince de la vie. Chapitre 10, versets 43 et 42 et 43, qu'est-ce que ça dit? Chapitre 10, versets 42 et 43, ça c'est cette fois-ci l'apôtre Pierre qui parle, celui qui avait les clés. Versets 42 et 43 disent: et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Quand tu ferais mieux de savoir où tu te trouves, parce que tu vas rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est ton juge, celui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. À moins que tu sois encore un autre livre que Dieu a changé de plan entre temps. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Nous voyons effectivement ça dans Jean chapitre 17 où Jésus a dit que le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils parce qu'il est le Fils de l'homme. Verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Ce n'est pas curieux ça? Nous voyons ça partout dans la Bible que le témoignage de la Bible dit que la Bible parle de Jésus. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est clair. Voilà le message. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, il n'est question d'aucune personne dans la Bible de dire que si on ne croit pas en lui, on ne doit pas avoir le salut. La personne uniquement dont il est question, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui enlève le péché du monde. Donc, ton message lui-même te rejette. Je suis né dans mon village, j'ai grandi dans mon village, j'ai vécu dans mon village et je suis toujours dans mon village. Je n'ai de maison nulle part que dans mon village. Et donc, tous les villageois me connaissent bien. Et lorsque vous leur demandez, mais ce prophète, est-ce qu'il vivait mal? Est-ce qu'il courait les femmes? Est-ce qu'il se bagarrait? Est-ce qu'il volait? Ils disent non. Quelle sympathie, Kako Philippe. Donc, tu as été saint dès le départ. Maintenant, lisons ce que l'apôtre Paul, le premier messager, lui dit. Qu'est-ce que le premier messager dit? Prenons 1 Corinthiens chapitre 6 et lisons quelque chose. La Bible déclare: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrons, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des dieux. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. L'apôtre Paul nous dit ici que ce n'est pas parce qu'on était bien, parce qu'on était dans nos villages, on était là-bas, on ne bagarrait pas, qu'on a été sauvés. Non. Que chacun avait son propre péché. Si toi, tu n'avais pas eu cela, gloire à Dieu. Mais cela ne donne pas que son témoignage fait de toi un prophète. Ce n'est pas cela. Ici, l'apôtre Paul André dit qu'il y avait parmi eux les voleurs, les cupides et autres là-bas. Allons au chapitre 2 d'Éphésiens. Voir maintenant cette façon comment l'apôtre Paul va s'inclure maintenant dans certains des péchés aussi maintenant. Regardons ce qui est écrit. L'apôtre Paul, le premier messager. Après, on va aller dans le livre de Tite. La Bible déclare: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Maintenant, ça c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul en train d'écrire, le prophète messager, le premier prophète messager en train d'écrire à l'église, enfin, aux Éphésiens, les païens, il dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Maintenant, le verset 3, il s'implique maintenant à l'intérieur, donc il était aussi avec des péchés. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Donc, les mêmes péchés qui agissaient dans les membres des païens agissaient aussi en eux. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, l'apôtre Paul ne s'exclut pas. Allons-y dans le livre de Tite. Donc, tu es conçu sans péché, ça veut dire que tu es Jésus. Il y a de quoi même tu vas dire que tu sauves. Parce que tu crois que comme tu ne péchais pas comme ça, tu es Jésus. Tite chapitre 3, prenons Tite chapitre 3, regardez très attentivement, regardez, verset 1, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Écoutez très attentivement, verset 3, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, virgule, désobéissants, virgule, égaré, virgule, asservi à toute espèce de convoitise et de volonté, virgule, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. L'apôtre Paul s'inclut. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême, de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, à coup Philippe, si tu n'as pas péché, tu n'as pas convoité les femmes, si tu n'as pas fait tes choses, gloire à Dieu. Mais la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tu n'as pas péché, alors je te dirai maintenant que tu es un petit Jésus. Il n'a jamais fait toutes ces choses. Nous ne l'avons pas vu faire cela. Mais pourquoi alors vous le rejetez? Ils disent que non. C'est parce qu'ils condamnent nos croyances. Ils condamnent nos... Donc, si tu penses donc que c'est la bonne vie, le fait que quelqu'un vive mal, qu'on doit aller croire en lui ou pas, c'est que dans ce cas, Isaïe, le prophète messager dont tu as parlé, ne serait pas un bon prophète, puisque lui, il était dans le palais des rois, il avait le péché jusqu'à ce qu'il fallait que l'ange et le Seigneur se présentent à lui pour purifier le péché qui était dans sa bouche. Il a dit que malheur à moi parce qu'il habite au milieu d'un peuple, lisons cela, Isaïe chapitre 6. Isaïe chapitre 6, lorsqu'il a vu. Donc, comme tu penses qu'il faut être saint dès l'enfant, préservé depuis le ventre de sa mère, pour qu'on soit le prophète messager. Isaïe chapitre 6, l'année de la mort du roi Osia, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'étenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola pour confirmer effectivement que Isaïe savait effectivement qu'il était dans la fausseté. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen, amen, amen. Donc Isaïe effectivement était dans la fausseté, il connaissait. Il était dans la fausseté, il connaissait. Jacob, alors n'en parlons plus. Lui, il vole à tous les coups. Il frappe à tous les coups. N'en parlons pas. Moïse est un tueur. N'en parlons pas pour cela. Ouais, effectivement, comment Dieu peut choisir les gens? Il ne choisit pas les gens parce qu'ils sont bons. Il y a les bandits que Dieu choisit. Il les utilise puissamment. Il y a des gens qui sont les nonchalants. Dieu les donne d'être puissamment armés par son esprit pour parler. La chose de Dieu, c'est la chose spirituelle, c'est pas la chose charnelle. Voilà pourquoi il prend des gens vils pour traiter avec eux. Donc, il ne s'agit pas que tu sois saint parce qu'on ne te répond rien dans ton village. Pourquoi donc les gens ne t'acceptent pas? Si c'est comme ça, c'est que Dalai Lama est plus saint que toi. Si tel est le cas, alors les témoins de Jéhovah sont plus pieux que toi, mon cher. Si tel est le cas, c'est que le pape lui-même qui s'est marié pas est plus pieux que toi parce que lui, il n'aime pas les femmes. Toi, au moins, tu as la femme maintenant. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et ce n'est pas de ta sainteté à toi dont il est question. C'est parce que tu as un faux message qu'on te rejette. C'est parce que tu as un démon qui est collé à toi qui veut convaincre les gens de suivre la fausseté. Et on ne permettra pas que les gens qui sont de Dieu partent à la perdition. Si tu es de lui, reviens à l'ordre. C'était la même chose du temps de Jésus-Christ et du temps de tous les prophètes. Et c'est ce qui s'est toujours passé. Et personne ne peut me convaincre de péché au milieu d'eux, ni au milieu de tous ceux qui se tiennent là aujourd'hui. Je n'ai jamais fait de prison, je n'ai toutes ces choses. Ils m'ont jamais trouvé en train de boire de l'alcool, fumer la cigarette, courir des femmes, toutes ces choses. Mais pourquoi me rejettent-ils? Déjà, tu es né, tu es un père, tu es un mère, tu es déjà né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Comment tu vas faire? Déjà, ça là, c'est suffisant pour qu'on te rejette parce que tu es un être humain. Et à cause de ce que je prêche, il doit avoir une raison solide, mais ils n'en ont pas. Vous voyez? Et que c'est... Donc, tu vois très bien, effectivement, que nous venons de démontrer que tout ce que tu prêches, c'est de la fausseté. Merci à vous aussi, prophète Kapo Philippe, d'être venu sur notre plateau. Merci, madame. Donc, mon cher Kako Philippe et cette chère dame-là qui présente cette émission, vous ferez mieux de vous repentir et retourner à Jésus-Christ de Nazareth. Philippe Kako n'est pas un prophète, mais c'est un vrai prophète, mais qui est faux. Un vrai faux prophète, dirait-on sur d'autres cieux. Donc, Kako Philippe, toi et tes disciples, vous devez vous repentir. Sois sincère. Si déjà les gens de ton village ne peuvent pas accepter, malgré ta sainteté apparente depuis l'enfance, moi je crois plutôt que c'est ta nonchalance qui faisait affaire que tu ne peux même pas t'approcher des femmes. Ou bien c'est Dieu qui t'a gardé ainsi. Mais qu'est-ce que vas-tu dire de Joseph Smith qui à 14 ans a eu cela? À 7 ans, il a eu la typhoïde parce qu'il a été opéré des pieds. Par la suite, il a été resté allaité. Les anges le visitaient. Qu'est-ce que tu vas dire de cela? À l'âge de 14 ans, il n'avait pas connu cela. Mais il a une puissante visitation, mais pourtant c'est la fausseté. Il parle des éléments de différentes divinités. Qu'est-ce que tu en dis par rapport à cela? Que les dieux se sont réunis pour commencer à décider comment qui va créer la terre. Qu'est-ce que tu en dis? Il dit que Dieu le Père a les os et la chair comme nous. Et Jésus qui dit dans Matthieu chapitre, Luc chapitre 24, verset 35 et suivant, que voyez que l'esprit n'a pas d'os ni de chair comme moi j'en ai. Jésus dit qu'il n'y a pas l'esprit, l'esprit n'a pas d'os, n'a pas la chair. Lui il dit que Dieu le Père a l'os et le. Donc Dieu peut cogner son pied tombé. Que Dieu vous pardonne. Donc, vous qui m'écoutez, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient données. Ami Kakouis, une fois de plus, je connais votre bonne définition. Vous pouvez insulter comme vous pouvez insulter, mais ceux d'entre vous qui êtes des aigles du Seigneur Jésus-Christ qui se sont enfouis là-bas en mangeant des pourritures de cette puanté de bourg Kakouis, je vous commande au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de sortir maintenant. Retrouvons-nous dans la cinquième partie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu aimes.